Vendredi 30 novembre 2012, vous écoutez La Vie en BD. Bon vendredi à tous et à toutes, bienvenue à cette nouvelle édition de La Vie en BD. Raymond Poirier au micro avec vous jusqu'à 18h30 et toujours un plaisir évidemment de vous retrouver pour plonger dans l'univers du 9e art. Plusieurs regards sur des sorties récentes en bande dessinée cette semaine, notamment en rencontre, en entrevue. On aura l'occasion de discuter du collectif Amuse-Gueule. Donc à chaque année, l'éditeur Glénat fait un concours pour rassembler donc des auteurs, des jeunes auteurs notamment, autour d'une thématique. La thématique qui avait été lancée en concours l'année dernière, c'était la nourriture sous toutes ses coutures. Et donc ça a donné un recueil qui est arrivé chez les libraires le mois dernier. Ça s'appelle Amuse-Gueule. Et on recevra deux des auteurs de Québec qui ont été sélectionnés donc pour participer à ce collectif. Il s'agit de Lydia et Julie Fontaine-Ferron qui viendront nous parler de leur segment qui s'appelle « Souvenirs gourmands ». Également de passage l'auteur Cyril Doineau qui viendra nous parler d'une sortie toute récente qu'il a offert du côté de la Pastèque, Le Havre, New York, une histoire qui nous plonge dans les années 1960 dans une traversée de 5 jours, pause peut-être d'existence pour donc certains de ses passagers en route vers l'Amérique, vers New York, en partance du Havre en France. Également, des commentaires BD, on entendra ceux de Marco Duchesne en fin d'émission. Et également, tout à l'heure, ce sera ceux de Stéphane Gravel. Alors, un beau menu pour cette semaine, comme à l'habitude. Je pense qu'enfin, on peut se donner des petites tapes occasionnelles dans le dos. Et sinon, ben, tel que mentionné il y a quelques semaines, on vous tient au courant des différents palmarès côté BD. En route vers la fin de l'année, on est le 30 novembre, donc on est à quelques pas de décembre. Et si on est à quelques pas de décembre, on est à quelques sauts de 2013. Alors, c'est le temps également de regarder vers l'arrière. Et notamment, du côté de RTL, on a désigné le prix de la BD 2012 à Pablo. Premier tome de Pablo, une série BD de Julie Birman et Clément Oubrerie. Du côté de Dargo, en fait, c'est une série qui est pas inintéressant d'ailleurs, qui narre la vie romanesque de Picasso à Montmartre entre 1900 et 1912. Sinon, mentionnons également que les 5 finalistes pour l'Association des critiques de bande dessinée du côté de la France ont été dévoilés. Il s'agit notamment de certains albums, j'ai eu l'occasion de lire David, Les Femmes et la Mare de Judith Vanier Stendhal chez Lombard, excellente BD. Sinon, les autres, je ne les ai pas encore lus. L'enfance d'Alan d'Emmanuel Guibert à l'Association. En silence d'Audrey Spiri chez Casterman, Saison brune de Philippe Squarzoni du côté de Delcourt, et enfin Un printemps à Tchernobyl d'Emmanuel Lepage, ça c'est chez Futuropolis. Faudra attendre le 10 décembre pour savoir quel de ces albums sera celui qui sera primé donc par la critique française. Alors voilà pour ces petits clins d'œil. On s'en va en musique. La formation qui nous accompagnera au fil de cette heure dédiée à la bande dessinée cette semaine, eh ben c'est Jellica avec leur album Safafa. Et on en écoute immédiatement un premier extrait. Thank you. Et voilà, toujours à La Vie en BD. D'ailleurs, je vous invite, si vous voulez en savoir un peu plus sur l'émission, voir les menus, quelques actualités BD également, ben, vous pouvez nous suivre sur Facebook, www.facebook.com/lavieenbd. Et au bout du fil, on est rejoint par Stéphane Gravel. Bonjour. Hello, hello, hello. Ça va bien? Bien sûr. Oui. Et tu nous amènes, je crois, du côté de Rome cette semaine. Ben, c'est tous les chemins mènent à Rome. Exactement. Même les chemins radiophoniques, donc. Parce que j'ai le goût de parler d'Alix, mais j'ai pas le goût de parler d'Alix en même temps. C'est que je trouve que ces temps-ci, on réussit enfin à revoir nos héros de jeunesse en bande dessinée qui nous manquent et de les faire revivre de façon intéressante. Spirou et Fantasio ont commencé avec la série Spirou et Fantasio Vupart. Mm-hmm. Alix avec Alix Sénator, où le personnage a vieilli, a pris de l'ampleur. Le tome 1 qui est paru il y a pas longtemps chez Casterman. Mm-hmm. J'ai trouvé que c'était un album qui m'a donné le goût de revenir en arrière et de relire les Alix. Il y a le Lucky Luke qui vient de paraître aussi, qui... tu vois, je suis vraiment dans les trucs archi-classiques, là. Mais le Lucky Luke Cavalier Seul, avec les scénarios de Pennac et de Benacista, c'est extraordinaire. On amène une nouvelle forme d'écriture. Et là, en plus, on sait que maintenant que Astérix va être repris avec Ferry, qui lui était le scénariste qui a travaillé avec Larsenet sur sur sa série qui se passait à la campagne, dont j'oublie tout le temps le titre, je sais pas pourquoi. Retour à la Terre. Oui, c'est ça. Écoute, je trouve qu'enfin, puis là, je passe à côté du Blake et Mortimer, qui lui est scénarisé par une nouvelle personne aussi, dessiné par Julliard. Blake et Mortimer le font depuis un bout de temps aussi. Et je trouve que même si, à quelque part, je me demande si c'est pas les Blake et Mortimer qui ont commencé cette lancée-là, c'est-à-dire qu'on le héros n'appartient plus à son auteur. Oui, Spirou le fait, mais Spirou le fait dans le fond depuis Rob Vell, mm-hmm. parce que c'est passé de Rob Vell à Jigé, de Jigé à Franquin, de Franquin à Fournier. Spirou a toujours été un peu un nomade d'auteur. C'est dans la mesure où l'auteur accepte justement que son œuvre, entre guillemets, lui survive, ou qu'éventuellement, bon, lui soit peut-être fatigué de créer ce personnage-là, mais qu'il a envie que d'autres continuent de s'y intéresser d'une façon. Absolument. Puis tu vois, chez Blake et Mortimer, je trouve que c'est vous m'excuserez, mais peut-être la pire de ces expériences-là, parce que on essaie vraiment de faire du Blake et Mortimer, de faire du com. Mmh. Ce qui fait qu'on cherche encore à faire une BD qui se passe à la fin des années 50, mais avec les réalités de 2012, on peut plus jouer l'univers de science-fiction comme l'auteur Jacobs le faisait à l'époque. Et probablement que Jacobs, s'il était encore vivant et qu'il travaillait encore sur sa série, ne ferait pas ça. C'est sûr. Exactement. Mais c'est toujours un peu ce qui fait peur. Tu mentionnais l'Astérix. Ben, on a toujours un petit stress. Est-ce que ça va être quelque chose de qualité, justement, comme un peu les Spirou Vupart ou même les derniers albums, La Face Cachée du Z, des choses comme ça, qui sont quand même assez efficaces. Au niveau de Lucky Luke, il y a eu quelques essais et erreurs avant qu'on arrive avec Pinkerton, Lucky Luke contre Pinkerton, qui fonctionnait, mais les autres d'avant étaient plutôt décevants. Donc, on dirait qu'il y a toujours une période de tâtonnement, malheureusement, là, avant que ces séries-là réussissent à trouver un deuxième souffle avec quelqu'un qui va s'approprier le personnage plutôt que d'essayer d'imiter ce que l'autre faisait avant. C'est clair que j'ai pas le goût qu'Astérix rencontre des secoupes volantes, là. Ou des bébés géants gonflés, là. On a vu ça dans le passé, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. On tue un personnage à pas vouloir le donner ou le passer à quelqu'un d'autre. On est mieux d'arrêter la série dans certaines conditions. Puis là, je reviens avec Alix, parce que chez Alix, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment repensé le personnage. On a mis un personnage, c'est un personnage neuf, là. Mm-hmm. Il n'a que le nom, dans le fond, du Alix de ma jeunesse, parce que là, on entre dans la... Bon, oui, c'est... Rome est à la mode, là, depuis un bout de temps. J'ai l'impression que depuis que la HBO a fait la série Rome, qu'on est parti sur une... Peut-être avec Murena aussi en BD. En BD, on est parti sur une lancée romaine, mais qui est pas déplaisante. Je trouve qu'on fait des trucs pas mal de qualité. Moi, j'ai beaucoup aimé Alix Sénator en passant. Hein. C'est très classique. C'est très, entre guillemets, c'est ordinaire, c'est conventionnel, mais ça fonctionne tellement bien et j'ai trouvé tellement intéressant de m'amener ce personnage-là à maturité et adulte, parce que je le connaissais, je me rappelle de ses traits de caractère, et puis je m'amuse à voir, a-t-il changé, aurait-il dit ça à l'époque. Donc, le personnage prend une deuxième dimension avec moi, qui est un ancien lecteur d'Alix dans le journal Tintin, et prend une toute autre lecture pour les jeunes qui, eux, connaissent pas nécessairement le personnage de l'époque, puis ils vont embarquer dans une bande dessinée, entre guillemets, moderne. Parce que quand on ressort les Alix, là, puis qu'on relit les vieux, c'est quelque chose. Il aurait pu faire ça comme les Blake et Mortimer font. Ils font une narration à la Jacob. Ils essaient de copier Jacob. Les espaces récitatifs, à n'en plus finir, on n'a pas besoin en bande dessinée contemporaine. On comprend le langage. On est capable de faire le lien du vide entre les deux cases. Pourquoi copier Jacob? Il a fait des choses à son époque qui correspondaient à son époque. Et là, on tombe dans la nostalgie. Mais c'est ça. C'est un médium qui a évolué, qui s'est transformé. Et effectivement, en fait, d'essayer de reproduire quelque chose qu'on faisait il y a 40 ans, c'est pas nécessairement rendre service non plus autant au médium qu'à la série. Absolument, absolument. Mmh. Et puis, si je reviens sur Alix, on est en train de rééditer chez Casterman les vieux Alix en des tomes de trois volumes, là, où on met deux aventures de Alix et on met aussi un album des voyages d'Alix. Tu vois, c'est des espèces de trucs sur des villes anciennes, un peu historiques, très documentées, où Alix est passé à travers ses aventures. Et ça fait des livres extrêmement intéressants. Et ce que j'ai trouvé, encore une fois, assez le fun, c'est qu'à la lecture du Alix Sénateur, ça a donné le goût à mes enfants de faire de la recherche, d'aller plus loin, d'aller voir les villes, de comprendre Rome, de comprendre l'histoire, les origines d'Alix, quand j'ai expliqué que c'est un personnage qui existait quand j'étais jeune. Et là, ça a stimulé quelque chose. Et je me suis rendu compte que dans les vieux, Alix, c'était vraiment ce que je vois aujourd'hui, c'est des bandes dessinées extrêmement didactiques. Mm-hmm. On apprend beaucoup, beaucoup de choses. Oui, ça peut sembler un peu plate parce que ça, il faut mettre les lunettes de l'époque quand même pour le lire, là. Ça a 40 ans, ça a 50 ans, ces BD-là. Mais c'est tellement intéressant. Je me tente pas d'écouter un vieux péplum, là, au cinéma, là. Ben-Hur, c'est un film qui, avec ses qualités et ses défauts, fonctionne encore avec les générations les plus jeunes. Et là, j'ai redécouvert Alix dans cet esprit-là, et avec toute la force du scénario de ces bandes dessinées-là, c'est incroyable. Il y a de l'information, c'est incroyable. Ce qu'on est loin de ça maintenant, aujourd'hui, c'est fou, là. Alors, c'est fou. À redécouvrir, si ce n'est déjà fait. Ah oui, je pense que c'est à redécouvrir en famille. Je trouve que c'est une série qui a eu son temps de noblesse, mais je pense qu'il a été un peu oublié parce que peut-être un peu hautain, comme le personnage de Jacques Martin peut-être abîmait lui-même sa série parce qu'il regardait un peu tout le monde de haut. Mais je pense que quand on y retourne aujourd'hui, on voit le travail d'historien qui est à travers ça, et c'est exceptionnel. Stéphane Gravel, merci beaucoup. Ben, avec plaisir, mon cher. Merci. Et on se dit dans deux semaines. Oui, parfait. À très bientôt. OK, bye. Bye-bye. Alors voilà, c'était les commentaires BD de Stéphane Gravel. Et voilà un autre extrait de la formation Jellica, tiré de leur album Safafa. La pièce qu'on entend s'appelle Dénier, avec des noms quand même assez créatifs, il faut leur donner ça. Et ben maintenant, on le mentionnait en ouverture, en fait, à chaque année, donc l'éditeur Glénat qui offre un recueil collectif, un ouvrage collectif suite à un concours. Le thème cette année pour le recueil de l'année prochaine, c'est Les forêts et les bûcherons. C'est Iris Boudreau qui a gagné le premier prix. Pour l'année dernière, la thématique était autour de la nourriture, et donc il y a une belle série d'auteurs qui sont retrouvés, sélectionnés pour y participer. Là-dedans, il y a des auteurs de Québec, notamment Michel Falardeau, et également deux sœurs, donc Lydia et Julie Fontaine-Ferron. L'une des deux est avec nous aujourd'hui. Et Lydia Fontaine-Ferron, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. Et en fait, première publication, je crois, de votre côté dans l'ouvrage collectif. Oui, c'est ma première publication. J'avais jamais publié avant. Mais ma sœur s'est retrouvée dans le front froid auparavant. Mais l'année avant, donc pour elle, c'est une deuxième publication. Pour moi, c'est la première. Et j'imagine toujours une étape importante d'arriver avec un produit fini diffusé une première fois, donc pour un auteur. Là, ben oui, pour moi, c'est une belle visibilité. Là. Puis j'ai toujours voulu faire de la bande dessinée, donc je trouvais que Glénat, ce concours-là, c'est une belle opportunité de se faire voir en tant que BDiste. Et qu'est-ce que vous avez amené à dire, ben justement, okay, le thème de la nourriture nous allume assez, on se lance, on essaie cette année? Ben moi, j'avais essayé l'an passé avec un ami. On avait eu des bons commentaires, mais on n'avait pas été sélectionnés. Mais cette année, je savais que le concours allait avoir lieu, donc j'ai décidé de me lancer. Peu importe le sujet, mais je trouvais que le sujet était très intéressant. Donc, je me suis lancée dans le sujet de la nourriture. Et c'est là qui est venu Souvenir Gourmand. Et justement, je pense qu'il vous demande déjà au départ quelques planches, d'avoir un synopsis d'histoire, puis ensuite vous y allez. Est-ce qu'il y a un accompagnement qui est fait dans la réalisation finale, ou il vous laisse un peu, une fois que c'est accepté, carte blanche pour mener à bien la proposition que vous leur avez faite? Ben, il y a une grosse liberté quand même. Il y a un thème, mais une fois que l'histoire est... On envoie, premièrement, ça commence, on envoie deux planches. Avec le scénario, une fois que c'est accepté, je veux dire, il y a aucune retouche au scénario ni au dessin. C'est vraiment, on a vraiment une grande liberté dans la bande dessinée, donc ouais. Et le récit que vous proposez, donc dans le recueil Amuse-Gueule, s'appelle Souvenir Gourmand. Ce qu'on y découvre, c'est au fil d'un repas, donc différentes anecdotes, des souvenirs en lien avec la nourriture. Qu'est-ce qui vous a lancé vers cette piste-là? Mais en fait, c'est quand même inspiré de nos souvenirs à nous, à moi et ma sœur. Quelques-uns, pas tous, mais c'est des souvenirs qu'on avait par rapport à la nourriture. Comme par exemple, une soupe au poulet, c'était quand on rentrait chez nous les jours d'hiver, ben notre mère nous préparait une soupe au poulet, c'était... Et les crêpes en forme d'ours, c'est la même chose. C'est mon père nous préparait des crêpes. Les histoires sont pas réelles, mais sont inspirées tout de même de moments vécus, d'expériences vécues par rapport à la nourriture. Oui, parce que ce qu'il faut dire, c'est en fait la nourriture a cet aspect justement de pouvoir nous rappeler, nous amener des souvenirs et être lié implicitement à des événements, à des moments, à notre enfance, notre adolescence, etc. Oui, ben c'est ça. Puis j'ai lu aussi la bande dessinée de Boom, qui était un peu dans le même concept que nous, qui était un souvenir relié au pain. J'ai trouvé ça vraiment... adorable, donc... Oui, comme quoi, il y a quelque chose de lubrifiant social un peu là-dedans aussi. Ouais. Et en même temps, ce que j'ai trouvé intéressant dans le récit que vous proposez, c'est en soi, c'est déjà une nouvelle, donc c'est quelques planches. Ouais. Et à l'intérieur de ces quelques planches-là, vous vous amenez donc d'autres sujets, d'autres petites histoires, donc c'est des nouvelles dans une nouvelle, dans le fond. Oui, c'est ça. C'est quand même spécial, mais... Puis c'était quand même dur à la fois de raccourcir, je sais pas comment dire ça, mais d'écrire des petites histoires dans une histoire, c'est quand même, ça a été un peu difficile par rapport à ça, mais en même temps, ça, je trouve, avec 6 pages, ça a quand même bien réussi le je trouve là que. Et comment c'est un prix justement pour réussir à ce que ça marche, à ce que la sauce prenne? C'est moi et ma sœur, on discutait ensemble. On a essayé de garder toujours ça en deux pages. Puis je sais pas, ça a venu tout naturellement. C'est des expériences un peu vécues. Donc, dans le fond, l'idée, c'est on essaie de faire bref, ouais. Puis on est dans cette optique-là, ouais. on travaille dans cette optique-là. Exactement. Et en même temps, c'est un défi, mais d'un autre côté, ben ça force aussi au synthétisme. Déjà que la BD appelle elle-même au synthétisme avec l'aspect visuel et le reste. Ouais. Donc, ouais. Et donc, dans le fond, Souvenir gourmand, est-ce qu'on peut dire que ce qu'on découvre, c'est assez représentatif aussi du travail de Lydia Fontaine-Ferron, du travail de votre sœur aussi, Julie? Ben oui, c'est très représentatif de ce qu'on fait en général. On, je veux dire, on suit ce style-là graphique qu'on a développé. Qui, je veux dire, c'est pas unique, là. Mais oui, c'est très représentatif de notre travail en général. Et si on avait à le décrire un peu, que ce soit en lien avec vos influences aussi, donc à présenter un peu votre approche pour l'instant, parce que évidemment, ça a appelé à changer, à évoluer, à progresser, oui. Mais où vous en êtes là, présentement? Ben, je suis pas sûre de comprendre la question. Là, mais en fait, si on avait à présenter un peu votre style graphique, vos influences dur, aussi peut-être, est-ce que c'est ça, j'ai tellement d'influences, c'est vraiment dur à dire. Par exemple, Barbucci, Garnido, ça ressemble pas du tout à ça. J'ai un style très très cartoon, très disneyen. Mais mes inspirations, c'est beaucoup des BDistes comme Garnido, Barbucci, Cyril Pedrosa, des anciens animateurs qui sont devenus BDistes. C'est dur à décrire un style. Oui. Mais j'aimerais vraiment aller vers ce style-là, mais qui est pas encore ça présentement. Je sais pas, tout le monde connaît pas nécessairement Garnido ou Barbucci, mais c'est des très bons dessinateurs qui ont une base très solide et c'est vers ça que je veux aller dans mon dessin. Mais d'écrire mon dessin en tant que tel, je trouve ça plus difficile. Et ce qu'il faut dire, vous l'avez mentionné aussi, c'est des animateurs qui sont devenus BDistes. Ouais. Vous et votre sœur, vous êtes dans l'animation aussi présentement. Vous travaillez en 2D, oui. des décors, dessins, etc. Ouais. Donc, j'imagine que ça vient influencer aussi vos techniques présentement. Oui, c'est ça. Dans mon dessin, je cherche une fluidité que certains dessinateurs n'ont pas, mais moi, c'est ça que je cherche dans mon dessin. Donc, c'est pour ça que les animateurs qui sont devenus BDistes m'influencent beaucoup dans leur dessin. Quand je regarde une bande dessinée, j'adore une bonne histoire, mais je veux regarder beaucoup le style visuel. Mm-hmm. Donc, ouais. Oui, parce que veux pas, de façon, les deux se portent mutuellement, oui, aussi. Et au niveau scénario, justement, au niveau dessin, est-ce que c'est pas mal à quatre mains le travail avec Lydia, comme ça c'est avec Julie? Ouais. Comment ça s'est passé un peu? Ou est-ce que vous aviez vraiment vos zones d'influence et de travail respectives? En fait, on travaille beaucoup ensemble. On discute toujours. On est jumelles, donc on partage tout. Donc, pour le scénario, ça a été... On s'est échangé, j'ai dit, bon, je viens avec cette idée-là, qu'est-ce que t'en penses? Elle disait, ah oui, ça serait bien, mais on pourrait changer ça comme ça. Donc, on en est venu au scénario de Souvenir gourmand en s'échangeant des idées comme ça. Et dans le fond, donc vraiment, puis un peu pour le dessin aussi, les deux, le dessin, comment qu'on fonctionne, c'est qu'en fait, on fait chacune une page. Moi, j'ai fait la page 1, exemple, Julie fait la page 2. Et ensuite, on fait chacun nos personnages. Mais on fait chacun nos pages aussi. Et ensuite, je peux aller corriger les pages de Julie pour voir si mes personnages sont correctement dessinés ou ainsi de suite. Hein. Donc, faut que vous ayez un style assez similaire pour réussir à faire ça. Oui, mais on a un style assez similaire. Puis en étant dans le domaine de l'animation, il faut apprendre à garder une certaine constance au niveau de son dessin. Donc, on a appris ça. Donc, on est capable de garder le style respectif de l'autre. Donc... Mais c'est comme ça qu'on travaille, ça va plus vite à deux que ça. C'est spécial un peu, là, mais ça diminue la charge de travail. Oui, puis en même temps, il y a un plaisir aussi de retourner, de voir un peu la planche, d'ajouter quelques éléments, de voir ce que l'autre va ajouter un peu, puis que ça fasse un tout cohésif aussi là-dedans. Oui, c'est ça. C'est de voir aussi l'interprétation que l'autre personne va faire de ton idée. C'est toujours intéressant de travailler à deux aussi, c'est plus motivant. Et ça se passe bien, un quatre mains comme ça. Ben, j'imagine, avec vous avez déjà une bonne complicité, vous êtes sœurs, vous êtes jumelles, donc ça doit aller assez facilement aussi d'un côté synergie là, pour créer ensemble. Oui, on forme une très bonne équipe. On a toujours tout fait ensemble jusqu'à maintenant. Donc, je pense qu'on peut pas avoir une meilleure équipe que moi et ma sœur. Oui, puis en plus, vous avez la même passion, le même travail. Oui, c'est ça. On est vraiment... Une bonne carrière parallèle. Oui, vraiment. Est-ce que c'est arrivé par hasard ou c'était un peu... On s'est toujours suivis, c'est étrange. Je pense que c'est peut-être côté jumelle qui fait ça. C'est pas toutes les jumelles, mais on s'est toujours suivis dans nos études, même au travail. C'est maintenant, on est plus ensemble, mais pendant un moment, on s'est toujours suivis. Donc, mais puis on a une même passion. je pense qu'il faut en profiter de ça. Oui, puis se donner des opportunités de s'apporter mutuellement avec un travail comme ça à deux, on se construit ensemble aussi, veut pas. Oui, exactement. Et est-ce que, en fait, je mentionne au passage d'ailleurs, si les gens veulent voir, outre la nouvelle dans Amuse-Gueule, il y a aussi un blog, lesdeuxpareils.blogspot.ca, où on voit un peu du sketching, le travail que vous faites ensemble. Il y a des liens vers vos autres sites aussi. Ouais. Et sinon, est-ce que justement, il y a des suites qui risquent d'arriver? Vous avez des projets, des espoirs côté publication? Oui, effectivement, on aimerait bien sortir notre prochain projet, on aimerait bien un album solo. Moi et ma sœur. Solo duo, ouais, c'est ça. Peut-être avec un scénariste aussi. Présentement, on travaille sur un projet de science-fiction avec Éric Allard, qui est un BDiste aussi, qui travaille présentement chez Frima, donc qu'on aimerait peut-être sortir éventuellement. Donc des trucs à surveiller en cours de route. Et d'ici là, évidemment, on peut vous découvrir parmi donc les autres auteurs du collectif Amuse-Gueule, donc votre segment Souvenirs gourmands. Ça, c'est du côté de Glénat. Lydia Fontaine-Ferron, merci beaucoup. Merci à toi. Et bonne chance. Merci. Et voilà, donc toujours à l'antenne de CKRL, un petit extrait de Jellica qui s'appelle Safafa. Et petite mention au passage, sélection réduite pour Angoulême 2013, mais sélection qui a tout de même été annoncée. Un peu moins d'albums cette année d'ailleurs que l'année dernière. On avait eu 82 en sélection officielle en 2012. Pour 2013, le festival aura lieu fin janvier, début février 2013. Il y en a 59 albums en sélection. Moins de prix également, 7 contre 12. Donc, mais ça reste un festival incontournable qui couronnera donc notamment meilleur album, également le prix spécial du jury. Et autre élément qu'on remarque au premier abord, c'est que l'an dernier, il y avait quelques productions québécoises qui s'y étaient glissées. Qui s'y était retrouvé, le festival qui avait d'ailleurs couronné un auteur d'origine québécoise, Guy Delisle, pour ses excellentes chroniques de Jérusalem. Les autres productions, c'était Paul, El Spectro également, qui s'y était retrouvé. Cette année, pas de chance pour les auteurs d'ici. Sélection qui est d'abord une partie européenne avec des soupçons d'Amérique et d'Asie. Mais il y a tout de même un auteur canadien qui s'y est retrouvé, Chester Brown, à juste titre d'ailleurs, en sélection officielle pour son livre 23 prostituées. Evan-Marie Olivier qui nous en avait parlé il y a quelques semaines, version française de l'excellent album Paying for It chez Cornelius, donc un récit sur la prostitution, mais du point de vue du client, une série de rencontres qu'a fait Brown avec 23 prostituées. C'est à lire de manière générale, j'en dirai pas plus. Sinon, pour les autres sélections, je vous en mentionne quelques-uns, ceux que j'ai vu passer ou ceux qui traînent sur mon bureau présentement. Notamment, on en parlait il y a quelques instants, Alex Sénateur, qui est également donc du côté de la sélection officielle. Vous avez Ahama de Frédéric Peters, qui fonctionne très bien aussi en Europe, du moins du côté de la critique. La Grande Odalisque de Vivès, Repère et Mulot. I Am a Hero, un manga qui fait parler pas mal du côté de Kengo Anna Zawa. Vous avez aussi notamment Les Folies Bergères de Ziroud, L'Or et le Sang de Martin de France, Lorna de Bruno, Le Dernier Tardy, Moi René Tardy, Prisonnier du Stalag 2B, Orbital, tome 5, Pablo, dont qu'on mentionnait au début, Quai d'Orsay également, tome 2 de Christophe Blain, Abel Lanzac, entre autres choses. Donc 59 albums donc en sélection officielle. Et si vous voulez avoir l'ensemble des titres, mais je vous réfère à mon blog voir.ca / Raymond-Poirier pour avoir un peu plus d'informations donc là-dessus. On prend une courte pause. À venir, Cyril Doisneau et Marco Duchesne. Écoutez, le dimanche de 22h à 23h, La Croche-Oreille, la seule émission en art audio et électronique au Québec. Animée par Jean-Pierre Gay et Ariane Plante, La Croche-Oreille est présentée par le Centre d'artistes Avatar de Méduse. La Croche-Oreille, ce sont les sonorités du futur par des gens d'ici, aujourd'hui. Pantoute fête 40 ans de lecture passionnante. Découvrez notre album anniversaire qui présente 335 livres qui nous ont marqués dans tous les genres littéraires. Cette publication gratuite est disponible dans nos deux librairies. Profitez de votre visite pour participer à nos tirages hebdomadaires et pour obtenir votre cadeau, un premier achat de 40$ sera inscrit sur votre nouvelle carte de fidélité électronique. Une façon de vous remercier d'être avec nous depuis 40 ans. Un spectacle unique en son genre. De l'improvisation théâtrale avec un allié de taille, le dessin. C'est l'Impro BD. À la Ligue québécoise d'Impro BD, auteurs de bandes dessinées et comédiens s'unissent pour offrir une soirée haute en couleurs. Prochaine rencontre le 16 décembre, 20h. Entrée libre, contribution volontaire. Initiée par le Festival de la bande dessinée francophone de Québec, les soirées de la Ligue québécoise d'Impro BD sont présentées en partenariat avec le Cercle et CKRL. Dessin, jeux, musique, un événement hors du commun. Tout juste avant 100% Dynamite, le week-end s'amorce de belle façon dès 18h30 les vendredis avec Jean-Sébastien Grondin et son émission Soul Finger. Ça groove à CKRL 89.1. Nouveautés, tournées, festivals, le blues et ses influences à l'émission Rue d'Auteuil. Avec Michel Dubois, les vendredis soirs, 20h. Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30. Aujourd'hui, toujours à l'écoute de La Vie en BD. Et maintenant, porte un regard sur un ouvrage qui vient d'apparaître à La Pastèque, troisième publication de Cyril Doisneau. Ça s'appelle Le Havre, New York. Un récit qui nous amène dans les années 60 sur un paquebot entre Le Havre et New York. Et pour nous en parler, l'auteur est avec nous au bout du fil. Cyril Doisneau, bonjour. Bonjour. Alors, je le disais, histoire de traverser 5 jours assez chargés, des personnages, des filous que vous mettez en scène, donc dans les années 60, qu'est-ce qui vous a amené vers cette histoire? C'est quoi un peu le chemin qui vous a mené donc vers Le Havre, New York? J'avais créé en fait une histoire de 6 pages pour une revue de bande dessinée française, chez les éditions Misma, qui s'appelait Dupututo. Et puis j'ai créé cette histoire avec une époque que j'aimais bien, donc les années 60, la France que je connais, moi je suis d'origine de France. Et puis j'ai monté une histoire avec 2 personnages, 2 cambrioleurs de bas étage. Et j'ai fait ce récit sur 6 pages. Et puis au final, j'avais envie pour mon nouveau livre de reprendre ces personnages que j'aimais beaucoup. Donc j'ai développé l'histoire en fait. Je l'ai monté en pas en 6 pages, mais en 60, 66 exactement. Et puis, c'est ça, en restant dans la même époque, les années 60 en France, avec tout ce qui est autour, la musique, les voitures, les décors, et du coup, le paquebot, le France, pour Le Havre, New York. Oui, et en fait, j'ai l'impression que les années 60, d'ailleurs, en matière de période, ça impose rapidement un décor, une ambiance, un univers. En fait, il y a quelque chose de très riche dans ces années-là, au niveau imaginaire, notamment. Là. Ben oui, et puis, moi, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, et puis j'ai voulu le retranscrire avec le dessin, donc essayer de trouver un style donc, qui était un peu plus stylisé que mes 2 anciens albums. Comme contrainte, par exemple, j'avais choisi de prendre une seule couleur. Donc, j'ai choisi un bleu qui fait un petit peu référence au paquet de cigarettes très connu en France, les Gauloises. Mmh. Et donc j'ai essayé de recréer dans le dessin, même le livre, le choix du papier, de la reliure, tout l'objet en fait, de recréer vraiment l'image de ces années-là. Oui, ça permet justement de facilement pour le lecteur de se replonger un peu là-dedans aussi, de d'être dans l'ambiance, je pense, dès le départ, et ensuite de plonger dans ce récit-là qui, finalement, est assez aussi léger, ambiant. On y va d'une série d'anecdotes, d'une parenthèse presque aussi, la traversée en paquebot qui vous permet un huis clos, un beau terrain de jeu à exploiter. Oui, c'est ça, ouais. Parce que j'ai relu, c'est marrant, j'ai revu le cahier où j'avais noté toutes les notes sur ce livre. Et au départ, j'avais pas pensé étaler la traversée en fait dans le livre. Et puis en fait, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait uniquement le livre axé sur la traversée, parce que je me suis dit justement, ce serait intéressant peut-être de se centrer, focaliser sur cette traversée en bateau. et de voir qu'est-ce que ça va arriver à New York et de voir ce qu'ils vont faire là-bas, je me suis dit non, je vais changer justement. Et je vais m'arrêter sur cette traversée et faire une sorte de huis clos justement. Et j'ai trouvé intéressant dans la mesure où on a l'impression, en fait, on voit et dès le départ, en fait, les personnages fuient quelque chose, donc ont envie de réinventer leur vie, veulent suivre leur quotidien, la banalité de leur existence. Et donc, c'est un peu la pause avant le début, justement, de cette nouvelle vie, un peu 5 jours où on a l'impression que les personnages se disent, ben regarde, c'est une parenthèse, il n'y a rien qui est commencé pour l'instant, on peut tout se permettre. Ouais, c'est ça. Et puis, les personnages... font vraiment ce qui leur chante, quoi. Donc c'est vraiment liberté totale entre deux villes au milieu de l'océan Atlantique sur un paquebot, le France, qui était à l'époque un paquebot très très luxueux et très confortable. Et du coup c'est ça, ouais, je les ai laissés aller comme ça, un petit moment, comme vous dites, une pause avant peut-être le rush de New York. Donc on verra plus tard, mais... Et j'ai lu, Cyril Doisneau, d'ailleurs, dans une entrevue, que vous disiez que vous aviez utilisé ce qu'on appelle la technique du gaufrier pour votre approche, que vous saviez la fin et le début, mais qu'entre les deux, c'était liberté totale pour vous aussi, côté création. Oui, j'avais une ligne directive entre Le Havre et New York, donc je savais où j'allais. J'avais des moments que je voulais absolument raconter sur le bateau, mais c'est vrai qu'après, je me suis laissé de la liberté pour changer certains points, parce que aussi quand on réalise un livre, c'est assez long, ça dure, moi ça a duré 2 ans, et si tout est écrit à l'avance et on sait exactement où on va, ça devient un peu ennuyant, donc j'avais envie aussi de m'amuser, et puis les deux personnages, donc deux filous qui s'amusent justement sur ce bateau, donc je les ai laissés aussi me guider par moments, donc je me suis permis de faire des changements au fur et à mesure. Et ce qui était beaucoup plus agréable que d'avoir quelque chose d'écrit et de retranscrire, en fait, fidèlement au scénario. Et de se laisser à les limites surprendre, justement, par les endroits où vous avez envie d'amener ces personnages-là. Voilà, aussi, ouais. Et en même temps, j'ai l'impression, je lisais ça et je me disais, mon Dieu, il y a quand même quelque chose de s'enfiler à décider de créer comme ça. Si, à un moment donné, on avance, puis finalement, ça ne fonctionne plus. Est-ce qu'on avait quand même un mouvement d'autocorrection, de vérification pour s'assurer que tout ça se tenait? Bah, j'ai quand même une ligne directrice qui est solide. Mmh. Après, je brode autour. Oui. Mais c'est sûr que si j'ai pas une base, ça c'est plus difficile, quoi. Ou on peut se retrouver du coup mince, qu'est-ce que je fais, j'en suis où, quoi. Mmh. Là, j'avais toujours une base où je savais où j'allais, où je savais où étaient mes personnages et qu'est-ce qu'ils voulaient faire. Après, c'était plus des petits événements qui leur arrivaient ou des anecdotes à raconter que je pouvais modifier au fur et à mesure. Oui, des récits dans le récit, d'une certaine façon, des petites nouvelles, des petites historiettes. Voilà, ouais, c'est ça. Ouais. Et en même temps, à travers tout ça, est-ce qu'il y a eu aussi un bon défi, à mesure où vous l'avez dit en ouverture, donc on est passé de 6 planches à 66, donc de réussir à bien amplifier aussi cette histoire-là, ou à bien faire vivre, évoluer ces personnages-là, quand même, sur une histoire qui est beaucoup plus longue que le travail que vous aviez fait au départ. Des fois, on étire pour étirer, c'est pas du tout le cas dans ce livre-là, évidemment, mais est-ce que ça a été un bon défi? Ben oui, et puis en fait l'idée, c'est que je voulais reprendre les personnages, donc moi j'étais attaché à ces deux personnages qui ont du caractère, et après les personnages, bon, ben, on creuse qui ils sont, qu'est-ce qu'ils veulent faire, ils ont chacun un caractère différent, et puis il y a plein d'anecdotes, il y a plein d'histoires, on écrit beaucoup de choses sur chaque personnage, donc ça peut être très riche, quoi. On peut vraiment broder et puis faire quelque chose de long. Ouais, à force d'enrichir les personnages, dans le fond, on a une personnalité plus affirmée, plus développée, et donc nécessairement, ça appelle à des anecdotes, ça appelle à des dialogues, ça appelle à des situations. Oui, voilà, et puis petit à petit, ça vient, ah bah tiens, il pourrait faire ça, ah il pourrait rencontrer quelqu'un, faire ça. Ça va vite, quoi. Après, c'est l'imagination qui file, quoi. Ouais. Et en même temps, quand je suis tombé sur Le Havre, New York, je me suis dit, mon Dieu, j'ai l'impression que vous vous réinventez vraiment d'album en album. Le premier à la pastèque, c'était 184, rue Beaubien, qui traitait de votre arrivée au Québec. Ensuite, Objet, une chronique muette sur la vie de couple. Avec Le Havre, New York, on est encore ailleurs. Donc, il y a vraiment, en fait, j'ai l'impression que c'est 3 albums vraiment très différents, là, côte ben à côte. Oui, c'est marrant parce que c'est ce qu'on me dit à chaque fois. Le style est vraiment différent. Mais pour moi, oui, chaque histoire, de toute façon, est différente. Et puis, une bande dessinée, au départ, c'est un texte, c'est un scénario. Et après, moi, ce que je fais, c'est qu'en fonction de l'histoire que je veux raconter, je cherche quelle va être la meilleure façon de le faire, de le dessiner. Et par exemple, pour le Havre, New York, je voulais vraiment quelque chose de stylisé, d'un peu plus, on va dire, ligne claire par rapport à 184 rue Beaubien, qui est beaucoup plus charbonneux, qui fait plus journal de bord. Donc à chaque fois, c'est aussi intéressant et puis excitant de trouver et de chercher tous ces styles différents. Mmh. De se dire, dans le fond, quel style pourrait servir l'histoire que je veux raconter, et pas inversement, essayer de forcer à l'intégration d'une histoire dans le style qui est déjà canné, entre guillemets. Ouais, non, c'est l'inverse. Ça part d'un texte, et puis ensuite, quel dessin je pourrais mettre par-dessus pour l'illustrer au mieux et le plus fidèlement possible, ouais. Et beaucoup d'exploration justement pour réussir à trouver, parce qu'on parlait de du dessin, le trait justement, le côté, les couleurs, etc. Beaucoup d'expérimentation pour en arriver à un élément précis, ou beaucoup de pratique aussi pour arriver avec le trait qu'on veut pour pouvoir le faire efficacement aussi. Il y a beaucoup de croquis, il y a beaucoup de recherches, mais après c'est des outils aussi qu'on connaît. Et moi je travaille beaucoup à la plume par exemple, mais déjà en changeant de plume, avant 184 j'avais une plume pour objet par exemple, j'avais une plume qui était très très fine, et puis pour celui-ci j'en ai une qui est beaucoup plus grosse, qui fait un trait avec plus de plein et délié. Donc c'est des outils quand même qu'on connaît, on dessine avec tout le temps, donc après on peut avoir une sélection en fait qui est plus grande et choisir l'outil le plus adapté en fait. Et de pas se laisser, comme on le disait, encarcaner dans un univers. Mais en même temps, j'imagine que le défi est à l'inverse, de pas avoir un dessin qui est facilement reconnaissable. Ça devient peut-être plus difficile aussi pour établir son identité au niveau, quoi, en tant qu'auteur visuel. C'est vrai, mais ouais, moi je cherche pas à faire ça en fait. C'est vraiment ce qui me... Quel est l'outil que j'aime en ce moment, par exemple, et puis quelle est la technique que j'ai envie de développer. C'est vraiment un travail de recherche, quoi. J'ai pas envie de faire, par exemple, toujours à la plume, toujours le même style, et puis qu'on se dise, ah, bah, lui, il fait ça, c'est lui, et tout. Après, bon, moi, c'est la, il y a de la créativité, j'ai envie de chercher des choses, j'ai envie de continuer. Écoutez, ouais. Et côté recherche, on parle de recherche graphique, est-ce qu'il y a eu aussi une certaine recherche historique, parce qu'on parle de moteur, de bateau, j'avais l'impression qu'il y a dû avoir un beau travail là-dessus aussi. Ah, bah oui, je me suis documenté, j'ai emprunté beaucoup de livres à la bibliothèque, j'en ai acheté, j'ai vu des films, des reportages, beaucoup de photos. J'avais un plan du paquebot Le France à mon bureau avec toute la découpe du bateau. Une super belle illustration en couleur là, des années 60. En fait, ouais, on replonge dans l'univers, quoi. J'ai fait des expositions aussi sur les paquebots. Et tout ce travail, c'est génial, quoi. C'est vraiment... On plonge en fait dans l'univers de ton livre, et puis tu vois tous les lieux où les personnages peuvent aller, ça donne des idées, ça déclenche beaucoup de choses. C'est vraiment, on est dans l'histoire en fait pendant 2 années, on est dans le bateau avec eux, quoi. Oui. Et c'est super. Exactement. Et ensuite, le lecteur, il y est aussi pour un certain temps pour pouvoir vraiment apprécier justement tous ces éléments que vous développez, proposez dans le récit, mais dans le graphisme aussi. Ça amplifie notre expérience à nous également, tout seul. Ben oui. Et ça marche, j'espère. et oui, ça fonctionne. Ça, je vous le confirme. Et donc, ça, c'est le Havre, New York de Cyril Doineau. C'est à la Pastèque. Et en terminant, est-ce que déjà d'autres projets qui sont sur la planche ou c'est la pause post-publication? Non, la pause, elle est finie. Là, il y a d'autres projets maintenant. Et sur la planche, oui, et sur la planche à découper, parce que ça parlera de cuisine. Ouais, la bouffe. Alors, à suivre. Et Cyril Doineau, merci beaucoup. Ben, merci à vous. Et au plaisir. Merci, au revoir. Alors, voilà, donc Cyril Doineau, auteur de Le Havre, New York. C'est aux éditions La Pastèque. We'll be right back. Et un dernier extrait de l'album Safafa de Jelika, ça s'appelle Siki. Et maintenant, on a le plaisir d'être rejoint par notre collaborateur Marco Duchesne. Bonjour. Salut. Ça va bien? Oui, toi? Oui, ça va. On s'ennuie. Exactement. Enfin, ça fait quelques semaines qu'on ne s'est pas croisés. Le temps de lire beaucoup, évidemment, et notamment de lire Théodore Poussin. Ben oui, écoute, dans les nouveautés, quand tu m'as appelé, quand j'ai répondu à ton appel, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je vais prendre? Et là, j'attends toujours la dernière minute en nouveauté, vu que, bon, les nouveautés me passent par les mains à la librairie. Et là, c'était assez excitant. Et bon, tout à coup, arrive le nouveau Largo Winch. Je suis un fan de la série. C'est une série confortable. Je me suis dit, ah, je vais parler de Largo Winch. Et soudainement est arrivé le troisième tome de l'intégrale de la série Théodore Poussin. Et ça s'est imposé. Et je me suis dit que je profiterais de cette intimité entre toi et moi ce vendredi soir à 7h, 6h et 16 minutes pour te parler de cette grande série que j'adore. Et que je ne connais pas. Tu ne connais pas. Je ne connais pas. Bon. Je me tape activement sur la main, mais je suis content que tu m'en parles. Écoute, Théodore Poussin, elle est... En fait, est arrivé, le premier tome est paru en 87 et je suis rentré en librairie en 88. Pour dire le vrai de la chose, déjà, il y a eu un contact entre moi et cette série. Elle est née presque en même temps que moi comme libraire, depuis 25 ans. Alors, c'est une série que j'ai suivie chaque tome, que j'ai attendu chaque tome. C'est une série dont le nom Théodore est pour moi évocateur car le nom de mon grand-père était Théodore. Et en plus, c'est l'histoire... En fait, Théodore Poussin, c'est l'invitation au voyage, mais c'est aussi l'initiation à l'aventure. Théodore Poussin est un petit employé de bureau dans une maison d'export-import à Dunkerque en 1927, je crois. Mm-hmm. Et son père était capitaine de bateau, il a voyagé, il a entendu parler de... Et toutes ces destinations qui traînent sur son bureau un jour arrive l'inévitable. Théodore Poussin devient élève commissaire sur un bateau de la marine marchande et il part. Et c'est là que commence l'aventure. Parce que quand on débute à lire cette série, on tombe pas en plein milieu d'une aventure d'un Corto Maltese qui est déjà un aventurier. On tombe pas. C'est un aventurier qui se construit dans le fond d'album en album. Et là, c'est un simple petit bonhomme et il embarque. Et là, va lui arriver des choses incroyables. Avec, il va croiser des personnages, mais plus grand que nature, entre autres, Monsieur Novembre, qui va le suivre comme son ombre et lui mettre les bâtons dans les roues pour que l'aventure se fasse. Véritablement, là, Monsieur Novembre est celui par qui l'aventure arrive. Et il y a une raison à ça. Parce que Théodore Poussin n'est pas seulement qu'une BD d'aventure, Théodore Poussin n'est pas seulement qu'une BD qui appelle au voyage, c'est une quête d'identité. Les 6 premiers tomes sont une quête d'identité. Qui est véritablement Théodore Poussin et qui est le capitaine Steele? Et donc, c'est vraiment ce qu'on établit. On est rendu à quel tome, là? On est... En fait, 12 tomes. Donc, mais la série est comme terminée. Franck Le Gall prend son temps. Comme je te dis, moi, c'est une série que j'attendais à chaque numéro et je peux te dire que j'étais très patient. Franck Le Gall, l'auteur, pouvait prendre le temps qu'il voulait. Enfin, on est payé. Ils sont pas tous des 30 dimes à en faire 4 par année. Ouais, et c'est pour ça qu'il y a des 30 dimes. Pour qu'on patiente. On lit 30 dimes, les 4 qui sortent par année, et on attend le prochain Théodore Poussin. Et pourquoi les intégrales? Écoute, depuis quelques années, Dupuis sort des intégrales, mais pour leur série classique, ils mettent vraiment le paquet. Oui. Des inédits, des interviews, des petites histoires, des... Pour vraiment accompagner le... Ah oui, ça accompagne. C'est du beau stock, là, et ça situe. Et, mais pour celle de Théodore Poussin, c'est différent. C'est encore plus intéressant car c'est Le Gall lui-même qui, à chaque intégrale, nous raconte ce qu'il a vécu au moment de la création de l'album, comment il a créé, les idées qu'il a eues et comment ça s'est mis en branle et qu'est-ce qui est arrivé à l'apparition. C'est être au cœur de la création de l'histoire. En fait, ça fait presque penser à Métamorphose, mais... Oui, mais là, et c'est émouvant. Raymond, le premier tome, on apprend que pendant le tome 3, Marie-Vérité, il est marié, il a un fils, son fils naît au moment du troisième tome. OK. Et qu'est-ce qu'on apprend? Il nous dit que au moment de faire la conception des intégrales de Théodore Poussin, ils ont voulu recolorer les trois premiers tomes. Et qui a fait la couleur? Son fils. Son fils. Wow! Je te le raconte, j'ai des frissons. Et c'est assez réussi, les couleurs. Un soin minutieux dans la mise en page, dans la coloration, dans... Bref, dans le bel objet qui n'est pas si dispendieux que ça. Pour 4 albums dans chaque tome. C'est tome, il y a 3 tomes pour la série. Dans chaque tome, c'est 44-45 $. Considérant qu'un album neuf, c'est assez dispendieux. Donc. Comme je disais, pour ceux qui aiment l'aventure, qui voudraient... En fait, c'est du Tintin pour adultes. Oui, ce que j'allais te demander, est-ce que tu as des référents? Ah oui, non, écoute, pour moi, Hergé sera toujours un grand créateur de BD et Hergé sera toujours un grand raconteur d'histoire. Tintin, pour moi, c'est presque chaque album est un petit chef-d'œuvre. Mais si j'avais à partir sur une île, ce serait avec la série Théodore Poussin. Parce que je pourrais la relire 1000 fois et jamais m'entanner. Et déjà, la maturité que donnent les scénarios, mais se voit dans le dessin. Le premier album, les dessins sont un peu maladroits. Théodore Poussin a une tête un peu en banane, je dirais. Mais dès le deuxième tome, tout de suite après le premier tome, le deuxième tome installe cette figure ronde de Théodore Poussin avec ses lunettes rondes, avec ses 3 cheveux longs. Il y a juste 3 cheveux sur le caillou, mais bon. Donc, on est déjà, un peu dans un dessin assez... c'est pas du réalisme, c'est pas du... C'est très école Spirou. Mm-hmm. D'ailleurs, il paraissait dans Spirou. OK. Théodore Poussin a paru dans en prépublication dans la revue Spirou. En fait, c'est vraiment là s'installer et je vous conseille la série si par album, si ça vous tente d'aller comme ça pour la découvrir, mais si vous voulez approfondir vraiment, si vous voulez partir en voyage avec Théodore Poussin et être accompagné de l'auteur, allez-y avec les intégrales. Faites-vous plaisir. Et c'est vraiment, donc, dans le fond, ce qui charme, c'est autant le dessin, le scénario, c'est vraiment, c'est un acte total pour toi. Oui, et c'est... Ah oui, et en plus, tu sais, c'est la vision, et en fait, c'est le personnage de Théodore qui est fascinant parce que au-delà de toutes ces aventures qu'il vit, il a une espèce de vision. Exemple, il rencontre Georgetown, un fameux pirate et qui a égorgé, qui a volé, qui a pillé, et à un moment donné, Théodore se retrouve prisonnier sur le bateau du pirate, et le pirate est analphabète et va demander à Théodore d'écrire ses mémoires. Donc le pirate, dans sa cabine, fait venir Théodore une fois par jour le soir et lui raconte. Et là, c'est mais ce que Théodore consigne dans le journal, c'est son propre journal. C'est tout le temps comme ça, et on a le droit à la vision de l'aventure, qu'elle soit violente, qu'elle soit en suspense, qu'elle soit... Pour Théodore, il y a une espèce de vision naïve, fraîche, sans toutefois tomber dans l'espèce de truc un peu niaiseux. Non, non, et Théodore a toujours une vision de l'aventure un peu sereine. Je dirais, il vit cette aventure-là avec une telle bonhomie. Que ça devient charmant, ça devient attachant. Quand je te parlais d'Orbital, une série de science-fiction, on arrive essoufflé parce que ça se veut comme ça. Mais avec Théodore Poussin, on arrive au bout apaisé. Parce que cette quête d'identité-là, il va jusqu'au bout. Et cette quête-là d'identité, il va jusqu'au bout et en sort plus grandi, plus serein. En fait, j'ai quand même le lecteur, lui, se sent tellement intelligent de lire de la BD, Raymond, là. T'as pas idée. Là, dans le fond, tu me juges un peu parce que je l'ai pas lu. Où tu me dis Lila, là. En fait, après tout ce que je t'ai dit, oui. Puis si tu ne l'as pas si lu, je là, l'ai pas lu, je là, me sens mal un peu, là. Vraiment, je le prends personnel. et Marco, enfin, il nous reste une minute et demie. Un petit mot sur le dernier Largo Winch. Écoute, est-ce qu'il vaut la peine? Ben, Largo Winch, pour les amateurs, vous allez être servis. Comme on le sait, chaque histoire est présentée en deux albums. Alors, ce numéro 18, qui s'appelle Colère Rouge, vient clore l'histoire entamée dans le tome précédent, le 17, Mer Noire. Alors, toute la structure est là, beaucoup d'action, des femmes nues dans le lit de Largo Winch, des pilotes d'avions qui sautent sur les secrétaires et des hélicoptères qui explosent. Et pour tout dire, le méchant, en fait, est une méchante, Miss Lockwood, dans ce tome-là. Vraiment, dans mon palmarès du méchant qui a le truc le plus compliqué pour se venger de quelqu'un, et c'est mon numéro un. À lire absolument, vous allez voir que cette façon qu'elle a de vouloir se venger de Largo Winch et de son père, waouh, il fallait y penser, et c'est très réussi. Le genre de truc, on s'imagine qu'elle a passé plusieurs années à y penser. Écoute, mais Largo Winch est efficace, ça ne vieillit pas, c'est très cinématographique, graphique, c'est très série télé, c'est très série B, et ça fonctionne, c'est confortable, on sort de là, pas plus intelligent, mais beaucoup diverti. C'est quand même noble. Ouais. Hein? Moi, j'aime bien. Alors, ça, c'est le dernier Largo Winch, évidemment, les intégrales Théodore Poussin, donc qui est le must, nec plus ultra cadeau de le Noël. Le cadeau de Noël à donner, à mettre sous l'arbre, surtout en intégrale. Alors voilà, une suggestion à l'avance. Tu sais. Comment? Une suggestion à l'avance. Ben oui. Et ben Marco Duchesne, nous, on se dit à dans deux semaines. Ah, ben oui. Excellent. Ben, à très bientôt. Salut. Alors voilà, c'était Marco Duchesne avec ses commentaires BD. Et nous, ben, c'est ainsi qu'on termine cette édition de La Vie en BD. On se retrouve la semaine prochaine. Spécial Salon Nouveau Genre. On va porter un regard donc sur des créateurs en illustration et en fanzine. Alors ben, c'était Raymond Poirier au micro. Ça a été un plaisir d'être avec vous. Et je vous donne rendez-vous vendredi prochain dès 17h30. Dans quelques instants, Salt Finger.